Exercice 10, page 169. A. Il est très plat. Transformer. Il est trop plat. B. Il est très clair. Transformer. Il est trop clair. C. Il est très gros. Transformer. Il est trop gros. D. Il est très près. Transformer. Il est trop près. E. Il est très triste. Transformer. Il est trop triste. F. Il est très drôle. Transformer. Il est trop drôle.